on était en train de parler avec Gégé et les deux avocats, donc les deux maîtres en question, de ce problème de tract. Pour l'instant, tu cautionnes ce que disent les avocats, Anne-Laure? Ah oui, tout à fait. Bah, je suis étudiante en droit et donc t'es d'accord. Je suis assez d'accord avec eux. Tout ce qui a été dit est vrai. Il y a un deuxième document donc dont Gérard vient de prendre connaissance, hein, donné par les avocats en question grâce à Filda qui a réussi à récupérer ce document in extremis et qui l'a donné in extremis donc au maître Suchard qui en a fait part à son collègue et ils viennent de le donner à Gérard. Et qu'est-ce que vous conseillez, maître? Bah, d'une part, nous voulons savoir si donc Monsieur Gérard a pris connaissance de ce tract. Mais moi, j'ai pris connaissance. Vous l'avez pris du tract. Levez-vous et dites je l'ai pris, je le jure. Non, mais non, c'est procédurier, c'est comme ça. Ça peut paraître ridicule. Non, c'est comme ça. C'est j'en ai pris la connaissance et je le jure. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, nous pouvons procéder, je dirais, à la lecture de ce tract. Précise que, que Gérard s'est levé et qu'il l'a juré parce que si on regarde bien en haut, il y a des webcams, donc c'est filmé, ce qui permet d'avoir des preuves juridiques. Hein. Exact. Donc, Gérard, vous acceptez que je commence la lecture de ce tract? Ça serait plutôt, faut que ça soit Gérard qui le lit. Oui, je pense aussi. Non, mais moi, je dis pas ça. Non, mais moi, je vais pas le lire parce que de toute manière, ça me dégoûte. Donc, Monsieur Gérard, ce serait une preuve formelle. C'est la preuve juridique. Monsieur Gérard, calmez-vous. On est le 14, donc. Ils viennent de LA. Le tract. Objection. Pour mardi 13, donc on n'est plus le 13, on est le 14. Ah, donc, ça c'est du détail. Regarde, il est 23h50. Monsieur Gérard, allez, vas-y. Lisez-le, c'est important. Lisez-le, c'est le sens de l'histoire, c'est comme ça, monsieur Gérard. Il faut qu'il le lise, c'est important. Ah oui, je pense que oui. Tu vois, oui. Voilà, tout le monde est. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gina Jamaison. Je compte organiser le mardi 13 juin au foyer Sonne à Cotra de Nanterre une grande exhibition des arts martiaux pour les jeunes de la cité voisine. Donc venez admirer les grands maîtres, dont Gérard Touzin. Donc ça, à mon avis, celui qui s'amuse à ça, il va s'amuser. Spécialiste de la boxe thaïlandaise et de son pull de... Punching ball préféré sans Litton. Donc alors, c'est pas du tout ça, donc faudra peut-être qu'il arrête. Au programme, alors découvrez l'attaque de la prothèse en folie qui exploite l'hôtel Savoie à Suresnes. C'est pas mal. Et on précise bien les noms. Applaudissez devant les coups de tibia... En teflon, du maître qui fit s'écrouler le moderne de Nanterre. Et au final, Gérard tire devant nous un but de 10 tonnes de la... Un bus de 10 tonnes voilà. De la ligne 567 avec ses poils de moustache. Alors, je sais pas où qu'il a trouvé ce bus 567 parce qu'il n'existe pas. À ma connaissance, je connais toutes les lignes sauf le 567. Mais c'est pas grave. Cette exhibition, c'est aussi l'occasion d'apprendre des secrets du guérisseur, comme savoir récolter sa rotule avec du scotch ou encore changer les filtres de son anus artificiel avec les dents. Pour plus d'infos, s'adresser au foyer Sonacotra, rue de Sartrouville à Nanterre. Qu'il ne fallait pas citer. Voilà, bon, mais c'est pas grave, maintenant on n'en a rien à foutre parce que la rue de Sartrouville à Nanterre, elle n'existe pas. Déjà non pour plus. Commencer. Alors Gina Jamaison, ça m'étonnerait, organisatrice à Nanterre, ça m'étonnerait qu'elle existe encore celle-là. En tout cas, donc, c'est une nouvelle preuve. Okay, Gérard, oui, tu veux dire un mot, bien sûr? Non, mais moi, ce que j'ai à dire, que tous ces petits branleurs. Qui se tiennent bien sur leur garde, parce que c'est simple, clair, net et précis, c'est pas parce que c'est la nuit, marathon, mais si la semaine prochaine j'entends une connerie, c'est fini entre nous. Point final à la ligne. Et voilà. Enfin. Ouais, bah enfin, Gérard, toi tu te casses au mois de septembre, donc tu vas pas nous casser les couilles pendant les 2 mois. Alors, toi, t'es cuit. Et surtout que la semaine prochaine, oui, c'est la semaine prochaine qu'on avait organisé quelque chose, étant donné que ce week-end, c'est mon anniversaire. Donc, la semaine prochaine, si j'entends encore des conneries, c'est même plus la peine. Donc, ça sera fini. Voilà, ouais. Terminé. Cool. Que demandez-vous, Gérard, à l'audience? Non, mais moi, ce que je demande, c'est vous qui voyez. Maintenant, vous avez toutes les pièces en main. C'est à vous d'essayer de faire le nécessaire. Et que le site internet soit effacé, mais le plus rapidement possible. C'est tout. Voilà. En de bon entendeur, salut. Salut. Donc, j'embrasse ma Bibi et Anthony qui se trouve dans la Manche à Saint-Lô. Voilà. Terminé. À tout à l'heure, 1h. Si je veux bien. Bravo. Voilà, là il est Anne-Laure, donc tu veux parler à la maman de Manu ? Oui, tout à fait. Je crois que merci messieurs, en tout cas les deux maîtres qui sont là, qui seront amenés peut-être à revenir pour un prochain dossier hein, maintenant. C'est ça, on n'est pas à l'abri. Hein. Avec plaisir et nous surtout on soutient pleinement Monsieur Gérard. Voilà, c'est bien parlé.